donc un peu les filles. Allez, on va. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Apprends ma Lara, petit Pékin. Oh oui, viens avec moi. Apprends nos traits, ne vont pas. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de RIG 90.7 de la bande FM, rigfm.fr. Bienvenue pour cette 536e émission de Johnny de A à Z ici sur RIG. Et cette semaine, je vous propose d'écouter un album de la semaine. L'album sera Rester Vivant. Alors, pour le coup, écoutez, ce qu'on va faire ce soir dans cette émission, vous allez tous fermer les yeux. Et on va faire comme si on revenait en l'an 2014 et on va retrouver Johnny Hallyday au micro de Georges Lang dans l'émission Les Nocturnes qui recevait ce soir-là Don Was. Donc c'était une pure coïncidence, une pure surprise que Johnny avait faite pour ses deux amis Georges Lang et Don Was. Johnny qui était éméché, éméché pendant cette émission. Et après on le retrouvera également dans l'émission de Eric Jean-Jean, le grand studio du 15 novembre 2014, où Johnny donc va parler de l'album de la semaine, donc l'album Rester Vivant, avec plein d'extraits de cet album-là. Donc, installez-vous confortablement, ajustez bien votre casque sur les oreilles, ou si vous êtes dans la voiture, mettez le son à fond. Vous allez voir, nous allons passer 2 heures de pur plaisir avec Johnny Hallyday. Bonne soirée à toutes et à tous, et je suis encore très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle soirée. Allez, bonne écoute en compagnie de Johnny Hallyday, et puis après, et de ses passages radio sur RTL. Et voilà, nous allons démarrer donc cette émission, une émission spéciale, vous le savez, puisque je vous l'ai dit hier. Don Was est mon invité. Est-ce qu'il est là, Don Was? Are you here, Don Was? Hello, man, how you doing? Il est là, et je ne vous en dis pas plus tout à l'heure. Surprise! J'ai dû avoir des rêves, je les ai oubliés. Ma mémoire fait la grève depuis quelques années. L'amour, j'ai eu mon compte, je ne vais pas pleurer. Et à l'heure du décompte, je sais bien ce que j'ai ce que j'ai donné. J'ai ce que j'ai donné. J'ai ce que j'ai donné. Gardez la monnaie. J'ai dû avoir le temps, mais il m'a échappé. J'ai dû avoir l'argent, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Si mes poches sont vides, elles ne sont pas trouées. Et quand je dis lapide, je sais bien ce que j'ai. J'ai ce que j'ai donné. J'ai ce que j'ai donné. J'ai ce que j'ai donné. Gardez la monnaie. Si j'ai perdu mes nerfs, quelquefois je la mets. Lorsque vient l'inventaire, je sais bien ce que j'ai. J'ai ce que j'ai donné.

that new book, Pictures of Madonna Naked, was checking it out. Just then my girlfriend came right to the door, said she never pegged me for no scumbag before. Said she never wanted to see me anymore, and I still don't. I'm going on TV and tearing up pictures of the Pope. I get wild and I know I get drunk. It ain't like I got a bunch of bodies in my trunk. The old man next door called me a no-good punk, and I still don't. Cops pulled me over outside this bar. They shined their lights in my eyes and they ordered me out of my car. Man, I was only kidding when I called with a couple of dicks. Still, they made me do the stupid human tricks. Now I'm stuck in this jail with a bunch of dumb hicks, and I still don't know. C'était Alright Guy, une chanson qui sort tout droit de l'ordinateur de notre ami Don Woz. Gainsbourg was singing that. Oh yeah, no, that's Garth. I can't recognize his voice. Je reconnais pas sa voix là. Well, it never came out, that song. Yeah, ouais. But he was, it was part of the character, yeah. Chris Gaines' character, yeah, from the movie. But that song, he's talking, you know, it's got kind of a controversial lyric, so he didn't include it. But it's good. Todd Snyder wrote that song. Mm-hmm. He's a great artist. On va peut-être traduire. Cette chanson est un inédit qui était sur l'album où Garth Brooks a interprété le caractère de Chris Gaines, et qui a été écrite par Todd Snyder avec un texte un peu difficile, et donc Garth Brooks controversé. Voilà. Merci. Et donc il a décidé de ne pas la sortir. Bon, vous devez l'entendre. C'est dommage parce que c'est une super chanson. It's a wise guy, Don. C'est un garçon très sage. Hein. Mm.

pris un petit peu de retard. Garth Brooks, Johnny nous a quittés, John Woos est resté, ainsi que Bertrand Lamblot, le directeur artistique de Johnny. Sébastien, le manager de Johnny, va remonter, l'a accompagné Johnny dans sa voiture rue Bayard. Nous continuons l'émission, les nocturnes spéciales avec Don Woos dans quelques instants. Don't move, ne bougez pas. Et l'émission avec Georges Lang s'achève. Encore un autre extrait de l'album de la semaine, Restez vivants, voici À nos promesses. Vous écoutez RIG, la radio de Junaï, dès le mercredi soir, de 22h jusqu'à minuit. Depuis longtemps, assez longtemps pour avoir vu des amis, des frères de sang qui se paraient trop au coin de la rue. Mais tout ce qu'on a pu se dire est bien présent dans ma mémoire. Des coups de gueule et des fous rires, j'entends leur écho dans le soir. La main sur le à nos promesses. Je suis jeune depuis longtemps et bien placé pour savoir qu'on peut se perdre à tous les vents pour mieux renaître à l'espoir. Sans remords ni regrets, c'est l'envie qui nous porte et au final Chichi. Ainsi s'achèvent les nocturnes avec Georges Lang, Don Woos et Johnny Hallyday. Ça a daté du 23 octobre 2014. Et là, dans quelques secondes, on va retrouver le grand studio de RTL présenté par Eric Jean-Jean. Cette émission date donc du 15 novembre 2014 et Johnny va interpréter en live quelques extraits de son album Restez vivant qui sort deux jours plus tard, donc c'est-à-dire soit le 17 novembre 2017. Gardez votre casque sur les oreilles. Vous écoutez Johnny de A à Z. RTL. gens. Salut à tous. Bon après-midi sur RTL. Merci d'écouter l'émission live la plus écoutée de France. Tous les samedis entre 15 et 16h. Aujourd'hui, émission exceptionnelle. Musicien exceptionnel. Je suis très heureux, très fier d'accueillir un membre de la famille RTL. C'est le grand studio RTL de Johnny Hallyday. Je vais vous chanter quelques nouvelles chansons de mon nouvel album. Cette chanson s'appelle Seul. Regardez tomber la pluie. Écoutez le souffle du vent. Acceptez de ne pas comprendre le pourquoi des choses. Devoir continuer à vivre comme avant. De plus, se laisser porter par le temps, oser regarder devant soi malgré tout, et trouver le courage qui vous manque. La chanson s'appelle Seul, extrait de ce tout nouvel album qui s'appelle Rester vivant et qui sort lundi. Qu'est-ce que je suis content de te voir dans ce studio. Je disais, Johnny, en te présentant que tu fais partie de la famille désormais, et même avant même que moi j'arrive dans la maison, t'étais déjà là, toi. C'est-à-dire que ça fait un paquet d'années que je viens ici à RTL. Ouais, ouais. Johnny, partie de la famille RTL avec un nouvel album qui sort lundi, le 17 novembre. Un nouvel album, une tournée événement qui va commencer cet été avec quelques dates dans les grands festivals et puis à la rentrée. Des critiques de dingue. Est-ce que tu les lis encore, les critiques? Parce que les critiques sur cet album, là, tout ce qui s'est dit, c'est fou. Non, je lis pas vraiment les critiques parce que j'ai toujours la trouille de ce qui est écrit. Même encore? Oui, oui, bah oui, on change pas, hein, comme ça. Le métier que je fais, fais, c'est, je le fais avec amour, je le fais avec ce que j'ai envie de faire sur le moment. Et bon, après, les critiques, ils écrivent ce qu'ils veulent. Mais moi, je chante pour le public, je chante pas pour les critiques. Tu dis que t'es très fier de cet album, Restez Vivant. Mais d'ailleurs... Il y aura tout à l'heure d'ailleurs des questions qui viennent du public, qui sont arrivées sur Internet. Tu dis que cet album est un des albums dont tu es le plus fier depuis ces 30 dernières années, Restez Vivant. Oui, enfin j'ai fait quelques albums, donc j'étais assez fier, notamment celui avec David, mon fils. Bah oui, tu penses. Celui avec 100%. Berger, bien sûr, ouais. Celui avec Goldman, et puis, bon, j'en ai fait quand même un paquet d'albums, mais ouais. Je me perdais un peu dans la musique ces derniers temps, et j'avais envie de revenir un petit peu à ce qui m'a donné envie de faire ce métier. Le blues? Le blues, le rock, le rockabilly, la première fois que j'ai écouté cet album, parce que je fais partie des privilégiés qui l'ont écouté un peu avant les autres, je me suis dit, tiens, c'est un album très stonien. Et en fait, j'ai un peu compris en comprenant qui a produit cet album, en l'occurrence celui qui jouait de la basse tout à l'heure et qui en rejouera encore. Oui, Danoise, oui. Danoise, alors. J'ai eu envie de travailler avec lui parce que j'étais un fan de Danoise. Ouais. J'avais écouté tous les disques qu'il avait fait pour Bob Dylan. Les P-52. Pour les Stones, bien sûr. Pour trois albums des Stones, ouais. Et puis pour plein d'autres. Aussi, U2 aussi, donc ouais. Mon ami Bono. Et j'avais envie de travailler avec quelqu'un qui comprenait ce que j'avais envie de refaire musicalement. Ouais, c'est ce que tu disais sur le fait que tu te recherchais sur le rockabilly. Comment vous avez travaillé d'ailleurs tous les deux avec Danoise, Johnny? Vous êtes enfermé? Bon, on s'est enfermé. C'était formidable le studio où on a enregistré parce que c'était un studio mythique à Los Angeles. C'est les anciens studios de Charlie Chaplin, les anciens studios de cinéma. Ouais. Donc maintenant, ils en ont fait des studios pour des disques. Ouais. Puis alors, on sentait quand même dans les couloirs que l'âme quand même de Chaplin qui était là depuis 1900, dans les années 1900. Oui, bien sûr. Alors Johnny, je voudrais qu'on se plonge un peu dans cet album et qu'on parle particulièrement d'une femme, celle qui a écrit les paroles d'ailleurs de cette chanson que tu viens de nous interpréter, qui s'appelle Seule. Elle écrit aussi d'autres paroles, Si j'avais su la vie, une chanson qui te colle mais tellement à la peau. Et puis aussi une autre chanson qui s'appelle Regarde-nous. Isabelle Bernal. Ben, c'est une femme que Bertrand Lamblot a trouvée. Ouais, qui t'aide à travailler sur ton album depuis des années maintenant. On a eu les chansons de David Ford en tout dernier. Il fallait qu'on fasse les paroles en français à Los Angeles. Et cette jeune femme vit à Los Angeles. Donc je l'ai rencontrée, on a parlé ensemble, je lui ai fait écouter les chansons. Ça lui a plu, ça l'a inspiré. Puis voilà, puis on a enregistré. C'était beaucoup plus facile d'ailleurs de travailler avec elle parce que, étant donné qu'elle vivait là-bas. Ouais. Elle a écrit cette chanson que je trouve être une des grandes chansons de l'album, Si j'avais su la vie, qui est un bon blues et dans lequel finalement tu racontes que si t'avais su à l'avance ce qu'était la vie, peut-être que tu serais pas devenu le Johnny que t'es aujourd'hui. Faire des conneries, tu crois, pour réussir à grandir? Je crois qu'il faut vivre comme on a envie de vivre au jour le jour. Moi, je prévois pas ma carrière. Je fais les choses sur le moment comme j'ai envie de les faire. Et puis, peut-être que dans un an, je les ferai pas de la même façon. Tu vis dans le présent? Donc, je vis dans le présent, oui. Ouais. Et Seul, qu'on a entendu, digne successeur, je trouve, du chanteur abandonné. Je la trouve très belle, cette chanson. Tu lui as parlé aussi du fait d'être parfois seul au milieu de tant de gens, l'histoire de ta vie. Oui, mais c'est vrai, dans le métier qu'on fait, on est entouré de plein de gens. Mais c'est pas pour ça qu'on se sent pas seul, des fois. Il y a des gens qui parlent autour de moi, j'entends même pas ce qu'ils me disent, et puis moi je suis dans mon truc. De toute façon, un homme est solitaire, même entouré. On est seul et on meurt seul. Ouais. Hein. Et à part quand tu prends ta moto pour aller faire les routes américaines, t'arrives quand même à être seul, toi, Johnny? Ouais, je suis seul avec ma bécane, oui. Qui est belle d'ailleurs, j'ai vu les images, pas mal. Ouais, je suis très heureux de mes motos, ouais. je suis un fan de moto, alors. Ouais, bah, tu m'étonnes. Ouais. Johnny est avec nous dans le grand studio RTL jusqu'à 16h. L'album Restez Vivant sort lundi, et nous, on revient dans quelques petites secondes. Jusqu'à 16h, le grand studio RTL. Grand studio RTL exceptionnel avec Johnny, notre invité, Restez Vivant. Son nouvel album sort lundi et en exclusivité, on découvre en live des morceaux de ce nouvel album. Merci beaucoup, merci. Alors on va bouger un peu, on va faire un petit peu quelque chose un peu plus de rock'n'roll, du blues. Voici une qui s'appelle Restez Vivant. Allez, 1, 2, 3, 4. C'est la chanson qui a d'ailleurs donné son titre à cet album qui sort lundi avec Johnny Hallyday en live, invité exceptionnel jusqu'à 16h sur RTL. Johnny, je me posais une question. Quand on enregistre un album, est-ce que tu écoutes de la musique, je veux dire celle des autres? Non, j'écoute pas de musique. Pas pendant, en tout cas, toute la période où je travaille. Ouais. On va revenir aux auteurs avec quelques participations importantes. On va pas tous les citer, mais quand même, retour de Christophe Miossec, qui était sur le précédent album. Je t'ai même pas dit merci. On a tous pensé à Laetitia en écoutant cette chanson. Chanson d'amour magnifique. Je te mets pour tes caresses. De tout mon cœur, je le confesse. J'ai même pas dit merci. Prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. C'est la seule adaptation d'ailleurs de l'album. C'est une adaptation de Gary Wright. Ok. Qui avait écrit Non merci. Et moi je voulais que ça sonne comme en anglais. Merci. Je voulais garder le mot merci. Ouais. Donc merci qu'il a trouvé le truc de. Ouais, merci pour les heures passées nous deux dans ce monde. Quelle jolie chanson. Alors il y a un petit nouveau. Pierre-Dominique Burgo, en qui on doit le Soldat Rose, qui t'a fait quand même deux belles chansons. Je peux te prendre un peu de coca. Avec plaisir. Il est pour toi d'ailleurs. C'est pas du vin, j'espère. Non, je te promets. Il n'y a rien dedans. Pierre-Dominique Bourgault qui arrive et qui fait « Ce que j'ai donné est te voir grandir ». Alors « Ce que j'ai donné », c'est une chanson qui est tellement de Johnny Hallyday, c'est-à-dire que c'est l'image qu'on se fait de toi. C'est un petit peu moi qui l'ai inspiré à l'auteur. Oui, c'est vrai que ça fait un petit peu partie, disons, des mésaventures qui me soient arrivées dans la vie. Ouais. Te voir grandir aussi, très jolie chanson. Et te voir grandir, c'est dans ton sourire retrouver le mien, retrouver l'entrain. C'est de cette vie le seul alibi, car te voir grandir, c'est me voir plus fort. C'est pour les filles, cette chanson. Oui, c'est un petit peu pour mes filles que j'ai fait ça, parce que les enfants me touchent beaucoup. Ouais. De voir grandir des enfants, ça vous rend plus fort. Ouais. On a souvent eu cette conversation, toi et moi, lors de différents entretiens, où tu disais que tu avais regretté de ne pas pouvoir voir grandir de si près David ou encore Laura. Aujourd'hui, les petites, là, pour le coup, tu as levé le pied un peu dans ton travail et souvent tu pars loin. Oui, mais là, je prends le temps de les voir grandir. C'est important. Malheureusement, j'ai pas eu le temps. J'étais très jeune. Quand j'ai eu David, j'avais 22 ans. J'étais en tournée tout le temps. Et puis bon, ensuite, on s'est séparés avec sa maman. Elle a vécu à Los Angeles, donc je voyais pas mon fils comme je voulais le voir. Mais on s'est rattrapé depuis. Hein, ouais, bah oui. Mais voilà, bon. Et moi, je voulais absolument voir ces petites grandir au quotidien. Ça, est-ce qu'elles t'ont assagi? Ah, non, elles me. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai une question internet qui vient. Non, attends, de je sais pas, je peux pas je répondre. Je sais pas ce que ça veut dire, assagir. Ça s'agir. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'elles me touchent beaucoup, mes filles. Ouais. Il n'y a rien de plus beau. Quand on se réveille le matin, de voir ces filles qui viennent vous embrasser et qui vous disent bonjour papa. Je trouve ça formidable. Johnny, en live dans le grand studio, nous fait découvrir des extraits de ce nouvel album Restez vivant qui sort lundi. Une pause et on revient justement avec une nouvelle chanson. Le grand studio RTL. Jusqu'à 16h, c'est le grand studio événement de Johnny en live dans le grand studio avec une nouvelle chanson. Te manquer. Bon, alors, ce sont des chansons que je fais pour la première fois. Hein. Donc, voilà, c'est un petit peu comme une répétition qu'on fait avec vous. Ça va, vous allez bien? Je partirai un soir, quand tu m'aimeras encore. Je partirai d'ici, pour raviver le feu, pour tracer de mémoire les contours de ton corps. Je partirai aussi pour le plaisir du jeu et te manquer, te manquer. Moi je voudrais te manquer. Je garderai pour toi le plus doux des silences. Je resterai des jours intraçable et muet. Je ferai de ma voix l'écho de ton absence et de tout cet amour, un sentiment parfait. Oui, te manquer, oh, te manquer. Je voudrais te manquer. J'avancerai loin de toi, un exil volontaire, brisant ma solitude avec des choses de rien. Quelques verres ou le bois d'un arbre centenaire, que la chaleur du sud aura mis sous mes mains. Oui, te manquer, te manquer. Je voudrais te manquer. Je serai l'étranger passant sous ta fenêtre. Je suis... Titre de son nouvel album, Rester Vivant, un album qui sort lundi dans les bacs et cette chanson s'appelle Te Manquer. Johnny, Te Manquer, c'est quoi? C'est l'amour qui s'en va? Oui, si on veut, oui, c'est... Ouais. C'est une belle chanson d'amour. C'est une très belle chanson d'amour, oui. Avec un texte écrit par Jeanne Chéral. Dans la vie, on aimerait pouvoir toujours manquer à quelqu'un. Et l'amour, c'est ça, finalement. C'est est-ce que je vais lui manquer si... Voilà, c'est la parenthèse, en tout cas. Avec en plus, pour cette balade, une très jolie musique signée Yodelis. J'adore ce qu'il fait. J'adore Maxime Yodelis. Vous connaissez Yodelis, hein? Ah, oh oui. Je l'avais vu sur scène. Il avait fait la basse, d'ailleurs, dans l'album que j'avais fait avec M. Avec Mathieu, oui, absolument. Puis bon, l'album n'a pas fonctionné, ça n'a pas plu au public, ça n'a pas plu aux critiques. Donc, c'était un petit peu un échec, cet album. Moi, j'avais besoin de faire cet album quand je l'ai fait. Parce que je sortais d'une longue maladie, donc ouais. J'étais entre la vie et la mort pendant 3 semaines dans le coma. Tu nous as fait flipper, tu sais. Et après, j'avais besoin de faire ce que j'avais envie de faire sans me dire il faut que ça marche, quoi. Uh-huh. Donc c'est pour ça que je l'ai fait avec mon cœur, cet album. Donc il a pas fonctionné, c'est pas grave. Mais avec Maxime, on était resté un petit peu comme ça sur notre fin. Donc je lui proposais de faire cet album avec moi et on a eu beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Et ce qui est formidable, c'est que bon, Maxime, tout petit français qu'il est, il était avec les meilleurs musiciens de Los Angeles, et les musiciens de Los Angeles sont tombés amoureux de lui. Ils voulaient absolument qu'il vienne là-bas. Ah ouais, vraiment, c'est chouette ça. Bah, c'est le cadeau que tu lui fais, ça. Et donc, je pensais à Jimi Hendrix au début de sa carrière, qui faisait ta première partie. Je pensais à Mick Taylor, je pensais à d'autres, hein, mais Yarol, qui est sur scène à côté de toi aujourd'hui. Yarol Popo, oui, bien sûr. Jimmy Page, même. Cette passion pour les guitaristes, elle vient d'où, Johnny, de tout temps? Moi, j'ai toujours aimé les guitaristes. Moi, j'ai toujours aimé. D'abord, j'ai commencé, moi, le premier instrument par lequel j'ai commencé, c'était la guitare classique. Alors, ça n'avait rien à voir avec le rock'n'roll. À l'époque, j'étais, comme je vivais un petit peu partout à l'étranger avec ma famille adoptive qui était Desta Eli, je devais avoir 9 ans, 10 ans, quelque chose comme ça. Et j'avais été au conservatoire de musique classique de Genève et j'avais pris des cours de guitare classique avec José de Aspiazu, un grand guitariste. Et dans la troupe, il y avait des danseurs de flamenco. Et il y avait un guitariste de flamenco qui m'a appris quelques morceaux de flamenco. Donc, je m'étais mis à jouer du flamenco, ce qui n'a rien à voir avec aujourd'hui. Hein. Bon, après, l'histoire, on la connaît. J'ai été voir un film, je crois, c'est voir un western. Mais c'était pas un western, c'était un film avec Elvis, ça s'appelait Loving You. Et bam. Voilà, je suis tombé amoureux du rock'n'roll. Les parents de Lee Hallyday m'ont envoyé, parce qu'ils habitaient tout le South Carolina, ils m'ont envoyé tous les disques de Presley, parce qu'on ne les trouvait pas en France à l'époque. Hein, de Presley, de Buddy Holly, de Eddie Cochran, de Bill Haley et tout ça. Et c'est comme ça que je suis tombé amoureux de cette musique. Ouais, j'ai vu sur Twitter, d'ailleurs, je te suis sur Twitter, il n'y a pas très longtemps, tu as posté une photo de Elvis avec marqué Elvis Forever. Oui. Quoi qu'il arrive, Elvis. Ah bah oui, de toute façon, pour moi, Elvis, même avec sa deuxième période, disons Vegas, tout ça, qu'il n'était pas bon. Mais enfin, la voix était toujours là et le personnage est toujours là. Moi, j'ai eu la chance de le voir une fois, c'était à Atlantic City, quand on a dit « Ladies and gentlemen, now, Mr. Elvis Presley », on a quand même la chair de poule. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Est-ce qu'elle est vraie l'anecdote que Sardou m'a racontée ou est-ce qu'il m'embrouille en disant qu'un jour vous êtes allé à Vegas et que vous n'avez pas pu le voir ? Non, non, il a dû confondre parce que j'étais tout seul quand j'ai été à Atlantic City. J'ai pris l'avion tout seul pour aller le voir. Ouais. Et finalement, je ne l'ai pas vu. J'ai vu son spectacle. C'est la seule fois où je l'ai vu, d'ailleurs. Et Sammy Davis a su que j'étais là. Il m'a appelé dans ma chambre d'hôtel après le spectacle d'Elvis. Et il m'a dit, bah, viens chez moi, je chante en face. Et après, on appelle Elvis et il va venir. Et j'ai été voir Sammy chanter. J'étais à la table avec sa famille. Et puis après, il appelle Elvis, il tombe sur son secrétaire qui lui dit, Elvis a eu un malaise, c'est à l'époque, il n'est pas très bien, il a été se coucher. Donc, j'ai pas vu Elvis, mais j'ai passé la nuit avec Sammy dans sa suite à regarder des films. Johnny, notre invité en live jusqu'à 16h. Et d'ailleurs, Johnny, reste avec nous surtout parce que on va se replonger encore une fois dans ses exploits dans le grand studio. C'était il y a 30 ans pile, été 84. Et ça s'appelait Sunday Rock. Le grand studio RTL. Éric Jean-Jean. Grand studio exceptionnel avec jusqu'à 16h notre invité Johnny. Johnny, d'ailleurs, pour reprendre le nom de ton ancienne tournée Flashback, je te propose une plongée dans les archives, écoute bien, du grand studio en 1984. Été 84, aux côtés de ton pote Sam Bernett, tu animais une émission qui s'appelait Sunday Rock dans ce grand studio. Et j'avais fait une série d'émissions où j'avais invité des tas de chanteurs, ouais, des tas d'amis de ce métier. C'était... Non, c'était des beaux souvenirs. Sunday Rock sur RTL. Sarah, Johnny, déjà dans le grand studio RTL en 1984 pour cette émission que tu co-animais et qui s'appelait Sunday Rock. Moi, je voudrais qu'on revienne au présent maintenant. L'album sort lundi, il s'appelle Restez Vivant. Quand tu fais un album d'ailleurs, Johnny, combien t'écoutes de chansons ? Pas mal, non, j'écoute, je sais pas, 200. Oh, et comment tu choisis ? Je choisis les chansons qui me donnent envie de les chanter, surtout. L'instinct, le fameux instinct de Johnny. Et puis je travaille beaucoup avec les... Parce qu'à une époque, j'écrivais par ainsi dire presque toutes mes chansons. Noël interdit, Cheveux longs, idées courtes, J'ai besoin d'un ami. Enfin, j'avais écrit plein de chansons. Et puis là, bon, j'avais envie de retravailler avec des gens qui pouvaient écrire autre chose de ce que moi, je savais écrire. Donc, je travaille beaucoup avec les auteurs, surtout. Ouais, avec, je leur raconte un petit peu ce que j'ai envie de dire, ce que je ressens, comment j'ai envie de les chanter. C'est comme ça que j'avais travaillé avec Berger, d'ailleurs. Avec Berger, on avait beaucoup parlé avant d'enregistrer le disque. Et puis, il m'a demandé ce que j'aimais dans la vie. Je lui avais parlé de ma passion pour Tennessee Williams. C'est de là, d'ailleurs, qu'est venu quelque chose de Tennessee. Quelle chanson? Et voilà, c'est-à-dire que je peux pas chanter une chanson où on me donne un texte en disant voilà, tu vas chanter ça. Il faut que je les ressente, les choses, pour pouvoir transmettre les émotions aux gens. Il faut que ça me corresponde. Alors, dans cet album, il y a deux chansons qui m'ont vraiment marqué, qui, à mon avis, vont devenir des standards. La première est un blues rock, auquel d'ailleurs Yodelis a participé, et s'appelle Au café de l'avenir. Qu'est-ce que je vais devenir au café de l'avenir? Présent sur le zinc de mes 20 ans, où tu suis. chemin tracé où tu te fais aimer. On parlait de vivre au présent d'ailleurs, Johnny, c'est ça l'histoire ? Oui, c'est ça, oui. D'abord, la chanson, musicalement, c'est un petit peu, c'est du rockabilly, un petit peu. Un country rock, enfin. Il y en a une autre qui s'appelle Lettre. Elle va bien sur scène aussi. Tu m'étonnes. Ouais. Lettre à l'enfant que j'étais. Oui. Quelle chanson. Ce soir, j'ai envie d'écrire une lettre à l'enfant que j'étais. Tout simplement, je lui dirais, sacherais connaître l'amour à temps. Pas souvent, une lettre à l'enfant que j'étais, où noir sur blanc je lui dirais, choisis tes rêves avec précaution, tu sais, ils se réaliseront. Sache reconnaître l'amour à temps, tu ne le croiseras pas souvent, reste fidèle à qui tu es, ne négocie pas ta dignité, tu pourras pas la racheter, et puis surtout, choisis tes rêves avec précaution, tu sais, ils se réaliseront. Putain, mais c'est en plus, tu l'as vécu. Et en plus, t'as vu, je parle de la Trinité, le quartier où je suis. Oui, exactement, oui. Et d'ailleurs, en parlant de la Trinité, c'était Pote de la Trinité qui était la semaine dernière avec toi sur la scène du Palais Omnisport de Paris-Bercy. Eddy et Jacques, les fameuses vieilles canailles. D'ailleurs, c'était quoi l'idée de faire un peu comme dans les années 60, le trio Dean Martin, Sinatra, Sammy Davis Jr., le fameux Rat Pack? Je vais laisser Sammy Davis à Jacques. C'était pas prévu dans les Rat Pack. Moi, j'ai regardé, d'abord, ils chantent très peu ensemble, ce qui m'a d'ailleurs surpris. Finalement, bon, c'est que quand l'un chante, l'autre se fout de lui, etc. Donc, même à un moment donné, même Dean Martin, il s'allonge par terre, faut mort de rire. Bon. C'est une question d'ambiance. Ah bah, parce qu'avec Eddy et Jacques, ils ont de l'humour aussi. Oui, je te confirme, oui. Nous étions quelques milliers à Bercy et je crois qu'on a tous adoré ces fameuses vieilles canailles. Alors, Johnny, sachant que tu venais, j'ai demandé aux internautes via RTL.fr, Facebook et Twitter de te poser des questions. Et on va commencer par Philippe, qui d'ailleurs est présent quelque part dans la salle. Philippe, qui a une question très simple. Si tu ne devais garder que trois chansons dans ton répertoire, ce seraient lesquelles ? Vraisemblablement Que je t'aime, non ? L'envie. Ah oui, l'envie. Ah ouais, l'envie, quelle chanson. L'envie, oui. Toute la musique que j'aime. Ah oui, c'est ma préférée, celle-là. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire que tu me la sers sur un plateau parce que cette chanson, tu l'as déjà chantée ici, dans ce grand studio. C'était aux côtés d'Anthony Martin, c'était le 11 juin 2011. Écoute, voilà ce que ça donnait. Mes joies, moi j'y mets mes peines. Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Il y a longtemps, ça de guitare. RTL, Johnny Hallyday avec toute la musique que j'aime. Johnny qui est en live avec nous jusqu'à 16h dans cette émission exceptionnelle qui lui est consacrée à l'occasion de la sortie lundi de son nouvel album. Le grand studio RTL. Le grand studio RTL. Dernière ligne droite de cette émission exceptionnelle, Johnny dans le grand studio RTL. On va parler de la scène maintenant, avec d'abord au mois de juillet prochain quelques festivals, au Franco de la Rochelle, Aix-les-Bains, Biarritz, puis après la vraie tournée qui commence en octobre, Nice, etc. Puis une série de Bercy, ce sera en novembre. C'est un peu comme un rendez-vous amoureux, le public. T'as vu, tout le monde était dingue de te voir sur scène ici au Grand Studio. Et toi, tu te prépares comment à une tournée ? Ben moi je vis, je travaille pour eux, pour le public. Qui te rendent bien, je crois, hein, ouais. On est d'accord. Hein. Et j'essaie toujours de faire des choses que je n'ai pas encore faites, pour leur donner des choses qu'ils n'ont pas encore vues. Je veux donner aux gens ce que moi j'aimerais voir chez un chanteur si je vais le voir. C'est dans cet esprit-là que je fais mes spectacles. Et moi, tu sais que tu m'as fait voyager depuis 98 que je suis à RTL. La première fois que j'ai fait un truc sur RTL, c'était toi, avec le Stade de France. Et après, tout le reste, on l'a fait ensemble. Je trouve que c'est plutôt cool. Alors, j'ai posé la question aux internautes sur RTL.fr. Justement, sur la scène, ils ont des tas de questions à te poser. Anne, est-ce que tu as déjà pensé à ton entrée sur scène pour la prochaine tournée, Johnny? On sait que c'est capital pour toi. Non, je suis en train d'y penser. Là, donc... ouais. C'est dans un an, hein. Ouais. Je sais pas, des fois, tu sais, une idée. Pour penser à une entrée de scène, déjà, il faut que dans ma tête, je fasse le tracklist. Par quelle chanson je vais commencer déjà. Uh-huh. Donc, ça me donnera déjà une idée pour l'entrée. Ouais. Tony demande s'il y a un endroit qui te ferait rêver. Parce que, franchement, moi qui te suis depuis longtemps, Stade de France, Tour Eiffel, Parc des Princes, on a pas mal écumé, au fond. Il y a un truc qui te ferait rêver, Johnny ? Écoute, on a la chance depuis quelques années quand même d'avoir des belles salles en France. Hein. Entre ouais. Le Stade de France, Bercy, le Palais des Sports, on a des belles salles à Paris. Et aussi la Cigale. Et la Cigale. Ah, ouais. La Cigale, ça c'était canon. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui demandent s'il y aura des petites salles. Ça. Ah, mais moi j'adore chanter la Cigale. Ouais, c'est super. Là, et surtout, on est proche de toi, un peu comme dans le grand studio. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ne pas avoir envie de monter sur scène ? C'est Daniel qui pose cette question. Oui. Mais une fois que j'y suis, c'est formidable. Ah oui ? Ouais. Chouchou demande si tu vas nous sortir encore quelques pépites inconnues. Est-ce qu'il y a des chansons comme ça que tu n'as pas chanté depuis longtemps et que tu aurais envie de rechanter là? Oui, je suis en train d'écouter des tas de... J'ai enregistré tellement de chansons que je ne me rappelle même plus avoir chanté alors. Mais je réapprends comme ça des anciennes chansons, oui. Oui, comme Réclamation, des chansons comme ça. On me souffle Génération perdue aussi. Dans le... Génération perdue aussi, oui. Ça, c'est une chanson que j'avais écrite, ça d'ailleurs. Bah oui, c'est pour ça que je te le dis. Il y a Pauline qui demande si tu as un rituel avant de monter sur scène. Quelle est la dernière chose que tu fais? Moi, je crois que je t'ai vu signer. Non, tu fais ton signe de croix? Oui, ça m'arrive de faire le signe de croix, mais c'est surtout je parle un petit peu avec tout le monde pour me déstresser. C'est la peur des producteurs avant que je monte sur scène. Même le balayeur, je l'arrête, je lui parle. C'est vrai. Malgré toutes ces années, j'ai toujours le trac. Et c'est vrai que une fois que j'y suis, c'est formidable. Mais pour y aller, j'ai dit, mon Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais leur faire? Sérieux? Moi, j'ai une image de toi, c'était au Parc des Princes, juste avant que ça commence. Tu sais, quand tu montais hyper haut... Plus, j'ai le vertige, moi. Alors, Et je te vois arriver, il n'y a pas un chat, c'est derrière la scène, comme ça. Il n'y a quasiment pas de bruit, alors qu'il y a 60 ou 80 000 personnes devant. Tu es tout seul, et tu me vois, et je te fais un petit signe, et tu baisses la tête comme ça, et tu vas t'installer. Je me suis toujours demandé ce qui se passe dans ta tête, dans cette minute-là, celle qui précède le moment où tu vas mettre le pied sur scène. Pourvu que la machinerie ne tombe pas en panne. Sinon, c'est un sacré merdier, ouais. Parce que faire un concert très... Enfin, bref. Si ça tombe en panne, attends, là, en haut, là, c'est pas terrible. T'avais pas eu un truc où c'était tombé en panne, là, dans une... Mais ça m'est arrivé une fois, oui, c'était... C'était au Zénith. Ouais. Je rentrais à l'intérieur d'une main. J'étais allongé, la main se retourne, donc j'étais à l'envers. Et la main s'avance au milieu de la salle, comme ça. Et normalement, elle se retourne, elle s'ouvre, et j'apparais dedans. Et ben là, elle est restée bloquée. Quand même bloquée pendant 10 minutes, mais entre les doigts de la main. On me voyait, moi, quand même, j'étais à l'envers. Alors j'avais des fans, des gens qui disaient « Bon, ça va, Johnny ?» Je dis « Ben oui, mais ça va, mais j'ai... » Puis finalement, bon, quand ça s'est débloqué, c'était quand même soulageant. Oui, c'est ça, il était temps que ça vienne. Indy qui dit « Johnny, tu es le parrain du rock français. Est-ce que tu as jamais songé à monter ton propre label pour partager les musicales découvertes que tu fais ?» C'est vrai que je voulais monter un label et puis produire des jeunes groupes. Bon, ben ça s'est pas fait parce qu'il faut quand même beaucoup de temps. Il aurait fallu que j'arrête mon métier pendant 2-3 ans pour ça. Pour l'instant, ça s'est pas fait. Voilà. Je le ferai peut-être plus tard. Hein. Dernière question, c'est Loli. Ton dernier album s'appelle Rester vivant. On regarde ta carrière malgré tout l'amour des fans. Beaucoup de gens ont essayé de te désinguer, de te détruire. Et à chaque fois, tu es comme un phénix revenu de tes cendres. Est-ce que tu as parfois l'impression d'avoir plus survécu que vécu, Johnny? En tout cas, j'ai vécu ce que j'ai survécu. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ce sera le mot de la fin. Je voudrais qu'on se lève une nouvelle fois pour Johnny. J'aimerais qu'il y ait un énorme applaudissement pour tous ces bons musiciens qui sont venus jouer avec moi. On va vous faire une petite reprise d'une chanson que je n'ai pas chantée depuis longtemps. J'étais tout seul, je suis parti et je ne voulais pas m'arrêter. Une autre route, je l'ai suivi, il a fallu que je te trouve. Soudainement, je suis tombé. Et comme ça, je suis resté à chaque instant de la pauvre vie. Tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, j'étais seulement tiré très fort. Tu es né pour être à moi, et j'espère que tu y crois. Nous serons ensemble chaque jour. Je vais courir, mais quand tu viens, je veux rester. Yeah. Je suis sincère, je veux mourir, et tu ne veux pas voir à tout. Merci beaucoup. Merci à toi, Johnny. Merci mille fois. C'était le grand studio RTL de Johnny Hallyday. Je rappelle que le nouvel album s'appelle Restez Vivant. Il sort lundi dans les bacs et Johnny sera en tournée dans toute la France. Alors à partir de cet été pour les festivals et puis septembre pour... C'est cette émission Johnny de A à Z avec l'album de la semaine Restez Vivant. On a pu écouter plein d'extraits studio, plein d'extraits live. Et puis aussi évidemment les deux émissions avec Georges Lang, les nocturnes du 23 octobre 2014, ainsi que l'émission de Eric Jean-Jean, le grand studio de RTL, le 15 novembre 2014. Je vous remercie tous d'avoir écouté et d'avoir participé à cette émission. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour l'émission live du mois de février. Bonne nuit à toutes et à tous. À bientôt. Ciao, ciao.